Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle écrite par Annie Proulx, parue aux éditions Grasset. Annie Proulx est une écrivaine américaine du Connecticut. Elle est née en 1935 d'origine canadienne-française. Elle reçoit de nombreux prix, dont le prix Pulitzer. Ses nouvelles font partie des meilleures nouvelles américaines. Il y a, d'après une de ses nouvelles, Brokeback Mountain, qui a été inspiré le film Lion d'or à la Mostra de Venise en 2005. Puis, elle écrit le livret de l'opéra Brokeback aussi. Alors, je commence. Elle s'appelle L'été des Tubs. Je vais traduire le Tubs là en anglais. C'est baquet, baignoire, chose comme ça. Voilà, voilà. Elle tousse dans le Wyoming. À peu d'atouts, l'entrepôt de ferraille mis à part en dépit d'une population de presque 80 habitants. Si vous voulez vous offrir un dîner élégant, acheter une batterie ou des tampons hygiéniques, prenez votre voiture, longez la rivière Dog Ear Creek pendant 70 km et vous arriverez à Sac où il y a deux magasins et un garage. Mais Elk Tooth a quelques attractions. Ses trois bars, le Silver Tip, le Pee-Wee et le Muddy's Hole. Ce n'est pas tout. Vieille tradition remontant à l'époque des pionniers, des ranchs en bordure de route font toujours restaurant. Au nord de la ville, il y en a un où l'on peut dîner pour 3 dollars. Il est vrai que le client ne choisit pas son menu et que Madame Polidora vous sert sur des assiettes en carton. Ce qui est frustrant si vous aimez entendre le tintement de la fourchette contre la porcelaine. Quoi qu'il en soit, Madame Polidora pose sur la table un plat de steak d'élan, vite encadré d'une grande jatte verte remplie de purée, d'une cruche de sauce au lait, à la farine et à la graisse de porc, et d'une soucoupe de gelée d'amélange. D'un bout à l'autre de l'année, le menu ne varie pas. À Elk Tooth, chacun cherche à faire figure d'original. La tentative est souvent couronnée de succès. La recette est simple. Être fauché, orgueilleux, montrer un peu d'ingéniosité et refuser résolument de se laisser entraîner dans le courant de la civilisation. Willie Husson est un client régulier de Madame Polidora. Il répare les camions et les tondeuses à gazon aussi sommairement que possible. Willie est né et a été élevé à Elk Tooth, mais il a vécu pendant des années dans des villes et des États éloignés et il était mécanicien à United Airlines. Quand on lui demande pourquoi il a abandonné un métier lucratif pour retourner à Elk Tooth, il répond « Je n'en pouvais plus ». De quoi, c'est ce que personne ne demande, car tout le monde au Wyoming sait qu'au-delà de la frontière de l'État commence le désert rouge. Willie a un chien au poil fauve qu'il appelle Igor. Il n'a ni atelier ni garage. Il bricole sur le lopin de terre devant sa caravane. Si on lui a confié un gros camion, il le stationne sur la route et se glisse sous le châssis après avoir installé au premier virage un panneau pliable qui annonce en grosses lettres « Allez-y, mollo !» C'est sa manière de dire « Ralentissez, il y a un mécanicien sur la route. » Igor, qui voit Willie couché sur la route, suit son exemple. Il a été 2 fois heurté. Il arrive que Willie, dans un débordement d'énergie, continue à travailler sur un véhicule après avoir effectué la réparation. Il pose des tuyaux récupérés ailleurs, connecte des fils à des boutons et des interrupteurs supplémentaires. Deb Stipel, c'est lui aussi un personnage. Partant un jour au volant de son pick-up Toyota de 1983, découvrit que son radiateur venait d'être vidangé et qu'il y avait sur le tableau de bord 11 interrupteurs qui ne correspondaient à rien. Madame Strawbird, elle, récupéra son Explorer avec un énorme projecteur fixé sur le toit. Son mari observa que ce projecteur serait idéal pour repérer la nuit des hiboux ou des avions ennemis si le klaxon ne se mettait pas à mugir chaque fois que le rayon s'allumait. Les clients payent ce qu'ils jugent que vaut le travail. Il est rare qu'une réparation faite par Willy tienne plus de 5 jours ou plus de 100 km. Au cas où l'on parcourait cette distance dans un délai plus court, mais les gens pensent généralement que c'est suffisant. Cela donne le temps d'aller à sac et de s'adresser à un vrai garage. Willy Husson avait pensé un moment à construire un garage contre sa caravane. Il commença à élever un appentis en se servant de poteaux volés ici et là aux clôtures que le service des forêts pose pour la protection des serres. Il cloua ensemble 4 ou 5 planches gauchies, choisies au hasard dans le tas, et puis renonça. C'est un point d'honneur à Eltooth. On laisse tomber un projet si l'on sent qu'il le faut. Et au moment où il le faut. Si Willy Husson s'arrête de travailler sur une tondeuse à gazon, une autoneige ou un camion au moment crucial, c'est tant pis pour le propriétaire de l'engin. Rien ne peut l'amener à reprendre un travail qu'il a quitté. Chez lui, la mise en train demande du temps. Certains véhicules restent des mois devant sa caravane sans même qu'ils soulèvent leur capot. Amanda Gibbs, la barman, qui avait fichu Willy à la porte du Pee-wee une fois ou deux, dut attendre 17 semaines que celui-ci consente à s'occuper de sa Chevrolet de 1956. Elle lui voua une solide rancune. Elle lui avait confié le véhicule en automne et c'est par un jour de printemps qu'elle trouva dans sa boîte à lettres une carte postale crasseuse qui annonçait laconiquement « Réparé, viens la reprendre ». Sven Polidora, qui rentrait chez lui et n'avait pas trop bu, la laissa devant la caravane de Husson. La Chevrolet semblait abandonnée, une des roues mordait sur le fossé. Amanda appela Husson, mais personne ne répondit. Haussant les épaules, elle se mit au volant. Et il y avait une note sur le siège. « Laisse l'argent dans la boîte aux lettres !» Amanda ne voyait pas pourquoi elle s'exécutait si l'auto ne marchait pas. Elle tourna donc la clé de contact. Deux explosions formidables secouèrent le véhicule. À l'arrière du feu jaillit et le moteur s'éteignit. Amanda jeta un coup d'œil sur le rétroviseur et vit des dizaines de petits objets enflammés éparpillés sur l'herbe. Elle sortit. Une fois qu'elle eut écarté l'idée d'un attentat terroriste, ses pépites en feu lui parurent familières. Une ou deux avaient échappé à une consommation totale et se révélèrent être des biscuits pour chiens. Elle ramassa les cendres encore brûlantes en se servant d'une boîte de conserve abandonnée par terre. Ce qui s'était passé, Amanda le devina. Une souris pleine d'initiative avait volé la pâtée du chien et l'avait fourrée dans le pot d'échappement. Elle déposa sa trouvaille toute fumante dans la boîte aux lettres de Willy en même temps qu'une pièce de monnaie. Puis elle repartit dans la ville dans un sillage d'étincelles et de jurons bien sentis. L'été dernier, Eltouth a cédé à une folie collective, une sorte de passion pour les bains chauds en plein air. Bien entendu, personne n'acheta de tub. Tous furent bricolés avec de la ferraille, de vieux réservoirs, des débris divers venus de l'entrepôt d'un chiffonnier local. Les plus délicats entourèrent les tubs de trottoirs de planches pour éviter la présence dans l'eau de terre ou d'épines de cactus. Si l'on avait un problème de combustible, il suffisait de prélever quelques planches et de les jeter dans le foyer. Tous ces tubs avaient et étaient chauffés avec des poêles à bois. Adversaire résolu non seulement de ce qui venait de l'extérieur, mais des initiatives de l'élite d'Eltouth, Willie Husson fit une obstruction décidée. Il afficha son mépris pour ses bains en plein air. « Si je veux me tremper le cul, j'irai à Thermopolis. » Thermopolis et ses célèbres sources chaudes est à 400 km et les touristes y affluent. Que Willie envisage de s'y rendre, observa Deb Sipple, témoignait des ravages opérés sur son esprit par ses années de résidence à l'extérieur. « La vérité, ajouta Sipple, c'est que j'ai vu à son expression quand il contemplait mon tub à moi, qu'il donnerait une de ses burnes pour en avoir un tout pareil. » Vers la fin de l'été, Willie Husson visita sa grand-mère dans le vieux ranch familial près de Lingle, où les Husson élevèrent des vaches depuis 1872. Il fouinait dans une grange quand il tomba sur un objet qui proclamait haut et clair sa vocation de tub. Mieux encore, de tub exceptionnel, de tub différent de tout autre et supérieur à tout autre. Assisté de son oncle Doug et de deux de ses fils, Plié et Ramley, il transporta l'objet sur son véhicule et repartit pour Eltouth en fredonnant « Wrong-eyed Jesus » que chantait Jim White sur sa radio. Son oncle se lança à sa poursuite. Au bout de 10 kilomètres, il le dépassa enfin et, freinant, lui cria dans le vent qui soufflait en rafale « Tu ne veux pas du trépied ?»« Mais si, me servira pour soulever les moteurs !» De retour à Eltouth, il fit quelques efforts pour installer son précieux butin à l'abri des regards. Mais, étant donné la nature de sa propriété, étroite bande de terrain entre une falaise à pic et la route qu'encombrait la caravane, les piles de bois, 7 ou 8 camions défunts à cause des pièces de rechange, l'ébauche de garage en planches, la niche du chien, une douzaine de tondeuses à gazon hors d'usage, un tas de pierres, un autre de gravier et l'unique peuplier de Virginie, un endroit à l'abri des regards était hors de question. « Qu'ils aillent se faire foutre !» dit Willie. Il déchargea l'énorme marmite en fonte épaisse d'un mètre de diamètre qui avait servi pour la dernière fois en 1912 à la grande réunion d'automne de la famille Husson. Il manœuvra avec un levier pour la mettre en position à côté du peuplier, à 1 mètre de la route environ. Suspendu à la chaîne massif du trépied, la marmite oscillait pesamment. Willie trouva 2 bouts de tuyaux qu'il scotcha ensemble. Cet assemblage tint assez longtemps pour lui permettre de remplir la marmite à moitié. Cela lui parut suffisant compte tenu de sa propre masse. Des épaves flottaient à la surface, crottes de souris, fétus de paille, particules de rouille. On voyait, collée au fond, la croûte d'une bouse de vache desséchée, vieille de 90 ans. Willy cassa quelques baguettes de petit bois et alluma un feu sous la marmite en se servant d'un papier goudronné. Il ajouta quelques gros morceaux de bois. La fumée s'éleva. Pour patienter en attendant que l'eau soit à bonne température, il s'exerça au revolver sur le nid de guêpe dans le peuplier. Accompagné d'une curieuse odeur lourde, la vapeur montait enfin de la marmite. Willy écarta au râteau les cendres charbonneuses et fumantes qui se trouvaient au-dessous, se déshabilla et rangea ses vêtements sur les planches qui débordaient de la pile la plus voisine. La bouse, belle, majestueuse, s'était détachée du fond et flottait à la surface. Il la recueillit à la main et l'envoya d'un geste large sur la route. L'eau était brûlante. Il introduisit un pied, puis l'autre. L'eau arrivait à la hauteur de ses genoux. Si elle était brûlante, ce n'était rien en comparaison du fond métallique qui lui rôtissait la plante des pieds. Il sauta dehors et se mit à danser sur le sol frais, puis enfila ses bottes. Du coup, elles étaient remplies de gravier. Il tâta le rebord de la marmite, chaud mais supportable. Willy décida d'effectuer son entrée dans le tub en suivant une trajectoire différente. Il se laissa descendre à la force des poignets. Au moment où la partie la plus tendre de son anatomie se trouvait presque au niveau de l'eau, il s'arrêta. Monsieur et Madame Ulysse Bird, le frère et la belle-sœur de Stowe Bird, passaient lentement en voiture. Madame Bird esquissait déjà un salut amical. Un second regard sur Willy la fit se raviser. À peine franchit la porte du Pee-wee, Ulysse Bird s'exclame. « Mes amis, on vient de voir un drôle de spectacle, je vous jure. Willy Hewson s'est dégoté une vraie marmite de cannibale. Il avait la tête d'un missionnaire qu'on va faire bouillir. » Et il décrivit le tub, sa position à proximité de la route, l'expression angoissée de Willy se laissant glisser en toute hâte au fond de la marmite. Enfin, les mines et les exclamations de Madame Bird quand elle s'était rendue compte qu'elle avait failli le saluer. Amanda Gripp servait au bar et prêtait une oreille attentive. « Dis donc !» Elle parle d'une voix forte et autoritaire, une voix de vrai barman. « Retourne là-bas et apporte-lui donc ceci !» Elle ouvre le réfrigérateur, en retire un paquet de grains de maïs congelés et un pot à moitié vide de cerises au marasquin, puis elle fourrage dans un placard où elle finit par trouver une boîte de piment en poudre. « Tu vas verser tout ça dans son bain chaud pour cannibale. S'il veut cuire là-dedans, faut au moins épicer le bouillon. Tiens, je vais venir avec vous et on va secouer le piment aux bons endroits. » Il retourne sur les lieux aussi vite que possible. Mais Willy Hewson, ses vêtements, ses bottes, son camion et le reste, tout avait disparu. La marmite fumait, l'eau était encore brûlante et un nid de guêpes y flottait. Quelques guêpes étonnées volaient autour du peuplier. On voyait des empreintes de pieds humides dans la poussière. Gaspiller le piment, le maïs et les cerises n'avait pas de sens si Willy n'était pas dans la soupière. L'occasion se représenterait sans doute. Au moment où ils allaient repartir, Ulysse Bird marcha dans la grosse bouse qui, sous l'effet de l'eau bouillante, s'était métamorphosée en méduse noire. Elle resta collée à sa botte comme du goudron. Il dut la détacher avec un bout de bois. Ensuite, de la pointe, il soulève en l'air la masse brillante et oscillante. On dirait que c'est tout frais. Je me demande ce que c'est. Ça a bien la forme d'une bouse, mais je doute que ce soit jamais sorti du derrière d'une vache. M'est avis que c'est plutôt un placenta d'ornithorynque. Amanda Grip lui arrache soudain le bout de bois et secoue la masse noirâtre au-dessus du tub. Tiens, qu'il retrouve ça dans sa marmite de cannibale. Les semaines passant, la sécheresse provoque l'évaporation de l'eau à l'intérieur du tub cannibalesque. De nouveau, la bouse gît au fond. C'est seulement le mois dernier que Willie Husson a fait sa réapparition. Il était au volant d'une Land Rover 1949 et avait à côté de lui une petite amie tibétaine qui ne parlait pas un mot d'anglais. Deux acquisitions qui ont ajouté à son prestige. À Eltouth, il est en tête dans la course à l'excentricité. La marmite n'a pas eu droit à un regard. Il l'avait laissée tomber, une fois pour toutes. Eh bien, voilà, voilà. Alors, je vais vous laisser avec la marmite de cannibale et une musique. La musique, bien sûr, One-Eyed Jesus. Jim White la chante. Et voilà, voilà, comme ça, une petite ambiance américaine. Passez une bonne semaine sur Radio Gémozo. À bientôt.